Ainsi se termine cette deuxième nuit racine au cours de laquelle nous avons reçu Mathilde Joanneau et Basile Ader, qui sont encore là et en début de nuit pour évoquer Les Plaideurs, cette pièce qui est vraiment faite pour être interprétée par des comédiens avocats ou des avocats comédiens. Et le projet est bien lancé désormais. Nous avons pu suivre un Phèdre par la compagnie Marie Belle, puis Écho du Tendre, du Grand Siècle, Tendre Racine par les Lissiou, une version libre de Phèdre, très courte, dans Les Décraqués de Bertrand Jérôme avec Vassilis Alexakis et GB. Puis nous avons rencontré Alain Arnaud, qui est le président de l'association Jean Racine et son terroir et le conseiller culturel pour le musée Jean Racine à La Ferté-Milon. Puis donc écouter Les Plaideurs, puis L'Art du comédien propose et pratique Attali par Madame Simone, et à l'instant donc ce texte, c'est des extraits de Sur Racine de Roland Barthes lu par Françoise Fabian. Alors maître Mathilde Joanneau, maître Basile Ader, vous avez réfléchi un petit peu à la distribution déjà, vous êtes fait des amis, des ennemis au cours de cette nuit, parce qu'il va falloir éliminer beaucoup de gens, puisque vous nous avez dit que fin 2020, début 21, ça y est, vous allez interpréter Les Plaideurs, et non pas dans l'ancien palais de justice, mais dans le nouveau tribunal. Dans le nouveau tribunal, oui. On va faire passer des auditions, on va faire comme Daniel Bécourt fit il y a maintenant plus de 50 ans, et nous verrons quels sont ceux qui montrent les meilleures prédispositions, qui sont capables de dire des vers, de bien respirer, de bien bouger, de ne pas travestir. Il faut quand même être toujours fidèle à un texte aussi magnifique. Et donc ça suppose quelques prédispositions et surtout un certain engagement. Et puis il faut trouver les chiens, les petits chiens. Oui, mais ça, vous nous avez dit que vous en occuperez, si j'ai bien compris. On s'en occupera, on va mettre France Culture sur le coup. Mathilde Joanneau, vous avez déjà envisagé dans quel rôle vous alliez tenir? Peut-être que vous avez pour racine d'autres... Oui, moi je suis une fan de Bérénice. Et dans une autre vie, j'aurais aimé jouer Bérénice. Dans ma vie de comédienne avocate, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais c'est vrai que c'est... chaque fois que je la relis, je pleure. Quand je la vois, je pleure encore. Et je trouve que ce personnage féminin est au-dessus de tout dans l'œuvre de Racine. Mais ça, c'est mon avis personnel. Pour Les Plaideurs, encore une fois, on va rien dévoiler. On a envie de monter quelque chose de sérieux et à la fois de s'y amuser. Mais c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. C'est certain. Oui, évidemment, le personnage de la comtesse est extraordinaire. Mais moi, j'aime la mise en scène. J'aime travailler sur l'idée de comment cette création pourrait avoir un intérêt, nous, par les gens de robe. Je ne sais pas du tout encore. Et ça, on travaillera avec Basile Ader sur cette distribution, puisque, encore une fois, on a des bons comédiens chez les avocats. Eh bien, merci à vous deux, maître Mathilde Joanneau et maître Basile Ader, deux avocats comédiens. Vous êtes venus nous parler donc des Plaideurs, de Racine et de vos projets, et on s'en réjouit. Voilà. Eh bien, écoutez, cette deuxième nuit Racine se termine. On rappelle qu'à La Ferté-Milon, il y a le musée Jean Racine à découvrir. Nuit Racine, les nuits de France Culture, toute cette nuit est à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alice Seyed, Hassan Mbechour, Romain Masson et Virginie Mourté. Très bonne journée à toutes et à tous. Sans Alexandrin.